Cette chanson a été traduite tout spécialement pour ce soir par Monsieur Jean-Baptiste Massy. Prochaine qui en est autre est très coréenne. L'automne des vivres est tout chez les hymnes. Yo wik toche a pleine main. Yo wik chantre tous les matins. Prochaine qui est la via, yébine très courte. Por contenta, mon ombre ta bec. Prochaine qui puir, demain à l'homme. Chenaïr et pochouk. C'est la voix qui est chio vivo, les grâces à te. Queen prenne l'automne, Queen prenne ma voix, de ma confusion à mon gros rire. Una chola et masse, tout est vos rafaces. Adam Comen n'est pas te dire. Tout le respect qui est porté, tout qui me porte, guide de ma voix. Quand yo m'énerve, y est pas mais la fouet. Y'avoue, y'est puir, c'est qui court, de n'est pas erré à la tcho. Quand le rideau j'ouvre et choucté, y'a un chat pourquoi, y'a la motte en chaîne. De dire merci pour tout stick plégique. Tout fait ma vie, zor après zor. Et les prochaines, qu'est-ce qui est con? Les noires histoires liées à te. Et les prochaines, qu'est-ce qui est con?